Ah, ça se pêche aussi, non? Les canards, non, je crois pas. Hein. T'as déjà vu un canard qui se fait pêcher, toi? Bah, on sait Il se jamais. fait chaud, un canard qui se fait Le pêcher chaud, pécho, ouais. ouais, hein, Ouais, ça arrive tout. les canards qui se font pêcher, Ouais. tu t'es déjà fait pêcher, toi, dans une mare? Bah, non.